franceinter.com. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Et il est devenu, malgré lui, un symbole des déchirements de l'Italie des années de plomb. C'est-à-dire de ces années 70 où la péninsule a vécu au rythme des attentats terroristes perpétrés par l'extrême droite, puis par l'extrême gauche. Au total, 12 690 attentats et 362 morts. Et derrière, probablement, une machiavélique stratégie de la tension qui visait à déstabiliser la démocratie italienne. Cet homme, c'est Cesare Battisti, un ancien terroriste d'extrême gauche réfugié en France, où il pensait bénéficier à jamais de ce que l'on a appelé la doctrine Mitterrand, au terme de laquelle notre pays accordait l'hospitalité aux militants révolutionnaires italiens qui avaient renoncé à l'action violente. Cesare Battisti, qui a refait sa vie en France et qui, tout en étant gardien d'immeuble, a écrit une dizaine de romans policiers à succès. Cesare Battisti, qui, sans doute à cause de son talent de plume, a aussitôt été soutenu par de nombreux intellectuels français dès lors que les autorités italiennes ont réclamé son extradition en alléguant sa responsabilité directe dans 4 homicides. La suite, vous la connaissez certainement. Emprisonné en France, puis remis provisoirement en liberté en attendant la décision de la justice, Battisti a préféré fuir au Brésil, où il a été retrouvé 3 ans plus tard et aussitôt arrêté en vertu du mandat d'arrêt délivré par la justice italienne. Depuis, en juin dernier, après 4 ans d'incertitude, la Cour suprême brésilienne a décidé de le libérer au motif que l'incrimination de Battisti était d'abord politique. Ce qui a provoqué l'indignation du gouvernement Berlusconi, mais aussi d'une large partie de l'opinion italienne. D'ailleurs, Rome entend introduire un recours auprès de la Cour internationale de justice de La Haye. Monsieur X dissèque cet épineux dossier. D'abord, je vous propose de voir qui est Cesare Battisti. Quel âge a-t-il aujourd'hui, là ? Une bonne cinquantaine. C'était donc un tout jeune homme, là, lors des années de plomb. Oui, c'est le petit dernier d'une famille nombreuse établie au sud de Rome. Point important, les parents sont communistes et même de fervents adorateurs de Staline. Vous savez bien que les jeunes Italiens qui choisiront l'action violente dans les années 70 se dresseront contre le pouvoir capitaliste, mais aussi contre un parti communiste jugé réformiste et coupable de vouloir conclure un pacte avec la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne qui est au pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce projet, qu'on appellera le compromis historique, sera à l'origine de l'enlèvement puis de l'exécution du dirigeant de la démocratie chrétienne, Aldo Moro. Par les Brigades Rouges. Donc, pour revenir au jeune Battisti, là, il existe aussi chez lui une révolte assez classique contre le père. Ça me paraît très probable. En tout cas, révolte ou pas contre le père, Cesare prend un départ tumultué dans la vie. Adolescent, il quitte le lycée avant le bac, multiplie les frasques et séjourne à plusieurs reprises en prison. Mais pour quelle raison ? Des vols. C'est donc un petit délinquant. Mais en prison, à Udine, il va faire une rencontre décisive. Celle d'un intellectuel, Arrigo Cavallina, qui créera bientôt un mouvement d'extrême gauche, les prolétaires armés pour le communisme, les PAC, selon leur acronyme. Et cet homme aura une grande influence sur le petit voyou. Oui, Cavallina devient son mentor et lui donne les premières bases de son éducation politique. C'est d'autant plus facile que le jeune homme aspire à se cultiver. Ouais. Il en fait un militant de son mouvement ? Pas tout de suite. Mais il est évident que le jeune Battisti est séduit par les idées de Cavallina. Ouais. Est-ce aussi la perspective de mener des actions violentes qui l'attire ? Oh, c'est évident. Mais il faut observer qu'au moment où Battisti rencontre Cavallina, au milieu des années 70, Les mouvements d'extrême gauche n'ont pas encore véritablement franchi le pas de l'action armée. Et pourtant, les années de plomb ont commencé en Italie. Et pour l'instant, ce sont essentiellement les mouvements subversifs d'extrême droite qui sont passés à l'action en perpétrant des attentats très meurtriers. Et à commencer par le massacre de la Banque de l'Agriculture à Milan. En 1969, oui. Et ce sera ensuite à Brescia, en 1974, l'explosion d'une bombe au passage d'un cortège politique. Il y aura 8 morts et des dizaines de blessés. Et quand Battisti, lui, s'engage-t-il vraiment ? En 1977. Et l'année suivante, il se cache chez Cavallina, car il était rattrapé par une condamnation pour un hold-up. Il passe donc là, dans la clandestinité. Quand même, un mot là, sur cette organisation, les PAC, là, les prolétaires armés pour le communisme. Les PAC n'ont jamais constitué un mouvement de masse. Tout au plus ont-ils rassemblé quelques dizaines de militants. Et politiquement, malgré leur nom, ils étaient plus proches d'une idéologie anarchiste que léniniste. D'ailleurs, ils ne se sont jamais dotés d'une structure hiérarchisée à la manière bolchevique. Ouais. Mais il y a quand même cet adjectif armé dans l'appellation du groupe. Ah ben, pour eux, c'est essentiel. Pour eux, comme pour les autres organisations révolutionnaires italiennes qui pullulent au cours de ces années 70, et qui parfois sont en concurrence. L'action violente doit aboutir à une radicalisation des luttes, et à terme aboutir à la révolution anticapitaliste. Un objectif que le puissant parti communiste italien a perdu de vue depuis longtemps. Et comment les PAC, alors, commencent-ils ? Ils opèrent d'abord des braquages, à la fois pour financer leur organisation et acheter des armes. Pour eux, ce ne sont pas des vols, mais des expropriations. Ouais, ce que revendiquaient aussi les anarchistes français du début du siècle dernier. Hein. Et en 1978, les PAC signent leur première action en ouvrant le feu contre deux médecins, des médecins flics, comme ils les nomment. Ah, complices de l'État, selon eux ? C'est ça. Mais ils n'ont pas voulu les tuer. Ils leur ont tiré dans les jambes. Ah oui, ce sont les tristement célèbres jambisations, hein, comme les Italiens vont les appeler. Et ce sera le sort que vont connaître nombre de patrons, de politiciens ou même de journalistes. Car la jambisation est aussi pratiquée par les autres groupes armés. Mais peu après, les PAC franchissent un pas supplémentaire. En juin 1978, ils assassinent le surveillant-chef de la prison d'Udine, un certain Santoro. Udine où Battisti a été incarcéré. Et plus tard, il sera directement accusé d'avoir exécuté ce maton en chef. Ce qu'il niera, mais n'allons pas trop vite. Ensuite, les PAC passent à autre chose. Au nom du justicialisme prolétarien, selon leur jargon, ils s'attaquent aux commerçants qui sont partisans de l'autodéfense et qui, si j'ose dire, l'ont mis en pratique. Le 16 février 1979, deux d'entre eux sont abattus, l'un à Milan et l'autre à Mestre, à 300 km de la capitale lombarde. Le même jour, donc, ce qui signifie deux commandos de tueurs. À coup sûr. Ouais. Et qui étaient ces deux commerçants-là ? L'un, celui de Mestre, Lino Sabadine, était un boucher, réputé proche de l'extrême droite, qui avait précédemment tué un cambrioleur. L'autre, le bijoutier Pierluigi Torregiani, avait été victime 3 semaines plus tôt d'une tentative de vol par un groupe armé. Détenteur d'un permis de port d'armes, le commerçant avait dégainé. Au cours de la fusillade qui s'en était suivie, un des délinquants, mais aussi un client, avait été tué. Depuis, le bijoutier avait reçu plusieurs menaces. Et ce 16 février, il a donc été abattu. En pleine rue de Milan, oui. Et à peu près à la même heure où le boucher Sabadine tombait lui aussi sous les balles des tueurs. Et ce n'est pas un hasard. Manifestement, les PAC voulaient frapper l'opinion en perpétrant ces deux assassinats. Détail tragique, le bijoutier avait le temps de sortir son arme. Et en tombant, il a tiré et touché son fils de 15 ans qui se trouvait à ses côtés. Depuis, ce dernier est paraplégique. Ouais. Et j'imagine que cet aspect émotionnel a dû jouer un rôle dans les développements judiciaires ultérieurs de l'affaire Battisti. La comparution dans le prétoire d'un jeune homme en fauteuil roulant impressionne forcément un jury. On va poursuivre. 2 mois plus tard, en avril, c'est un policier des services de renseignement, Andrea Campagna, qui est assassiné à Milan. Ouais. Encore un meurtre très symbolique, hein, car les services de renseignement étaient impliqués dans la lutte contre les terroristes d'extrême gauche. Naturellement. Et les militants révolutionnaires les accusaient d'user de méthodes peu orthodoxes lors des interrogatoires. La torture. Ces militants l'ont en tout cas prétendu. Peu après, au mois de juin 1979, Battisti est arrêté dans une planque des PAC, un appartement de Milan, où les policiers mettent la main sur de nombreuses armes et des documents. Cesare Battisti est inculpé ? Bien entendu. Il est accusé de participation à une bande armée et de recel d'armes. Mais pas d'assassinat ? Non. À cette époque, les PAC sont seulement soupçonnés d'avoir perpétré des hold-up. Battisti va passer 2 ans et demi dans un quartier de haute sécurité de la prison de Frosinone. Il est condamné ? Oui, il écope d'une peine de 12 ans de réclusion. Mais 4 mois plus tard, un commando des PAC parvient à le faire évader. Et Battisti file aussitôt en France où il se marie. Cependant, il doit juger que notre pays se trouve trop près de l'Italie et il prend le large. Mais où va-t-il alors ? Au Mexique. Là-bas, sous une fausse identité, il exerce plusieurs petits boulots, crée un journal, gère un restaurant. Et finalement, en 1990, il décide de revenir en France où sa femme l'a précédé. Mais il ne reste pas longtemps en liberté, car la police l'arrête assez rapidement. Dans un documentaire de la série télévisée Résistance, qui lui était consacré, Cesare Battisti affirme « S'il fallait repasser par le terrorisme, je le referais. C'est la seule chose intéressante et joyeuse que j'ai faite dans ma vie. » Battisti est donc arrêté lors de son retour en France. Pas tout de suite. La police l'avait à l'œil. Et si elle a fini par l'arrêter, c'est à la demande des autorités italiennes qui réclamaient son extradition. Mais si je me souviens bien, il ne va pas rester très longtemps en prison. Non, car 5 mois après son interpellation, la cour d'appel de Paris refuse de donner droit à la demande italienne. Battisti recouvre donc la liberté. Mais attendez, s'il a été aussi rapidement découvert par la police, c'est donc qu'il est revenu en France sous sa véritable identité. Ah oui, je ne sais pas caché, parce qu'en France, il avait la certitude qu'il ne risquait rien. À cause de ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand. C'est cela, oui. Alors, rappelez-moi exactement en quoi consistait cette doctrine et pourquoi le président français l'a mise en œuvre. Il faut d'abord savoir que les premiers militants italiens d'extrême gauche arrivent en France entre 1976 et 1978. Mais jusqu'à l'arrivée de la gauche au pouvoir, ils demeurent clandestins. Ça veut dire qu'ils cessent de l'être en 1981. En effet. Les autorités françaises estimeront qu'ils sont entre 200 et 300 en 1985. Et leur situation est-elle régularisée ? Parfaitement. Paris considère qu'en les autorisant à résider légalement en France, ces activistes ne basculeront pas dans une délinquance de droit commun, ce qui est parfois le destin de certains clandestins. En outre, il y a certainement aussi la volonté d'éviter que ces exilés, abandonnés à eux-mêmes, ne rejoignent les milieux terroristes. Il faut rappeler que c'est aussi l'époque où, en France même, Action Directe reprend ses activités criminelles. Oui, au début des années 80. Mais est-ce que cette ligne a fait l'objet d'une annonce officielle ? Absolument. En 1985, François Mitterrand annonce qu'il n'extradera pas les militants d'extrême gauche repentis engagés dans la lutte armée en Italie dans les années 70. Ces derniers bénéficient donc d'un véritable droit d'asile. Et c'est cela qu'on appellera la fameuse doctrine Mitterrand. Il émet toutefois des réserves concernant les auteurs de crimes de sang ou les militants qui continueraient d'exercer des activités terroristes. Alors cela serait immédiatement extradé. Cependant, la même année, on a l'impression que Mitterrand a évolué. C'est-à-dire ? Devant le congrès de la Ligue des droits de l'homme, le président n'évoque plus les auteurs de crimes de sang. Plus profondément, mais il était difficile de l'exprimer aussi crûment, il y avait sans doute aussi chez Mitterrand et chez les socialistes français la conviction que ces terroristes italiens avaient eux aussi des excuses et peut-être même des raisons légitimes de passer à l'action. Mais si, bien sûr, il n'était pas question d'approuver l'usage de la violence. Mais c'est quand même un peu hypocrite, là. Expliquez-moi quand même. Certes. L'Italie, tout au long des années 70, n'a pas connu une véritable guerre civile. Mais il y avait des symptômes inquiétants. Rappelez-vous. Puisqu'on en a parlé ensemble, il y avait d'abord eu, en 1970, la tentative de putsch du prince Borghese. Et puis, mais on le découvrira un peu plus tard, l'infiltration de l'appareil d'État par la loge P2 et la structure atlantiste et paramilitaire Gladio sur fond d'attentats perpétrés par l'extrême droite, sans compter tous les scandales de corruption qui vont miner le monde politique italien. Autant de raisons qui auraient justifié l'action de ces groupes terroristes d'extrême gauche ? En tout cas, ça pouvait l'expliquer. En outre, Il faut ajouter que l'État italien a alors mis en place une politique répressive particulièrement rigoureuse. Il y a eu des milliers d'arrestations et de détentions provisoires prolongées qui ont été pratiquées parfois dans des conditions douteuses et au cours desquelles la police et aussi la magistrature se sont affranchies du strict respect de la légalité. Alors, je pense qu'il faut avoir tout cela à l'esprit pour bien comprendre la justification de la doctrine Mitterrand. Oui, mais ce que vous venez de dire, là, c'est resté du non-dit. Bien évidemment. Ouais. Quoi qu'il en soit, cette doctrine Mitterrand sera appliquée sous 2 présidents et 9 gouvernements, de gauche comme de droite. Ni Édouard Balladur en 1993, ni Alain Juppé en 1995 ne la remettront en cause. Cesare Battisti, alors de retour en France sous sa véritable identité, pense donc bénéficier de cette doctrine. Tout à fait. Sinon, il n'y serait certainement pas revenu. Ouais. Mais cette doctrine Mitterrand sera pourtant remise en cause. En 2002, oui. Et ça aura de graves conséquences pour Battisti. Mais auparavant, revenons en arrière. En Italie, dans les années 80, le démantèlement des organisations terroristes s'est poursuivi et pratiquement tous les membres des PAC sont tombés, grâce en particulier au recours au témoignage des repentis. Une pratique légale en Italie ? Tout à fait. C'est en usant de cette pratique que les magistrats ont marqué des points contre la mafia. Vous connaissez le principe. On propose à l'un des accusés une forte diminution de la peine qu'il encourt s'il dénonce ses complices. Ouais, c'est très tentant quand la peine en question peut être excessivement lourde. Naturellement. Et dans l'affaire Battisti, l'un de ses repentis, un certain Pietro Muti, va accabler son ancien camarade. Enfin, je reparlerai de ce personnage. On peut toutefois se demander si un témoignage obtenu grâce à un repenti est vraiment sincère. Vous avez raison. Et c'est un argument que les défenseurs de Battisti ne cesseront d'opposer aux partisans de sa culpabilité. Quoi qu'il en soit, les magistrats italiens estiment détenir assez d'indices concordants contre Battisti pour ouvrir son procès pour homicide aggravé en 1988. Ouais. C'est-à-dire les 4 homicides perpétrés en 78-79. Mais c'est un procès par défaut, puisqu'il se trouve alors au Mexique. Il n'empêche que les juges italiens vont le déclarer coupable de 2 meurtres et complice ou organisateur dans les 2 autres. Il est donc condamné par contumace à la réclusion à perpétuité. Une condamnation qui sera confirmée en appel par la cour d'assises de Milan en 1993. Et là encore, Battisti ne comparaîtra pas. Ah non, puisqu'il se trouve en France, toujours protégé par la doctrine Mitterrand. D'autre part, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui a été saisie, a reconnu que les 2 procès avaient été légaux. Cependant, malgré cette lourde condamnation par contumace, Battisti ne se sent pas menacé en France. Non. Et vous le savez bien, Battisti a entamé une nouvelle carrière. Ouais, écrivain. Et en même temps, concierge, car la littérature nourrit pas toujours son homme. Mais ses romans policiers, plus d'une dizaine, sont appréciés et publiés par les meilleures maisons. Ouais, il a refait sa vie. Hein. Et après avoir divorcé, il a une nouvelle compagne. Mais au début des années 2000, le ciel s'assombrit. Alors que se passe-t-il ? En 2002, les autorités italiennes demandent l'extradition d'un autre activiste, Paolo Persichetti. Celui-ci, ancien membre de l'Union des communistes combattants, est accusé d'avoir tué le général Licio Giorgetti à Rome dans les années 80. Et il a été condamné par contumace à 22 ans de prison. Et en France, que fait-il alors ? Persichetti est devenu enseignant à l'université Paris 8. Et reconnu à la hauteur d'un crime de sang, il n'est donc pas concerné par la doctrine Mitterrand. D'autant que son crime a été commis après la proclamation de cette doctrine. Ça n'empêche pas les milieux intellectuels de se mobiliser en sa faveur. Mais le président Chirac et son garde des Sceaux demeurent inflexibles. Au mois d'août, le professeur Persichetti est extradé et il purge sa peine en Italie. Il n'a pas été rejugé. La loi italienne ne le permet pas. Et pour Battisti, ça signifie que s'il venait à être extradé, il devrait immédiatement effectuer sa peine sans avoir la possibilité de bénéficier d'un nouveau procès. Et après le précédent Persichetti, là, Rome peut désormais obtenir son extradition. Battisti se sent donc de plus en plus menacé. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Les amis de Cesare Battisti ont mis en cause l'utilisation par la justice des témoignages de repentis. Réponse en 2004 de Laurent Geoffrin dans Le Nouvel Observateur. Contrairement à ce que l'on entend, le système des repentis n'est pas forcément une pratique inique. Plusieurs démocraties en usent depuis longtemps pour démanteler les organisations fermées comme la mafia, les cartels de drogue ou les organisations terroristes. Quand l'extrême gauche dénonce les repentis, c'est à cause de leur efficacité et non en raison d'un manquement aux libertés publiques dont elle se soucie comme d'une guigne. On sait bien que la mouvance terroriste n'a que mépris pour les libertés bourgeoises, mais qu'elle en devient le plus farouche zélote dès qu'un terroriste est pris. Ce double langage ne devrait plus abuser personne. Une question avant de poursuivre. Voilà. Quel est le statut de Cesare Battisti tandis qu'il réside en France ? La préfecture de police de Paris lui a délivré en 1997 une carte de résident valable 10 ans. Bon. Alors reprenons. L'extradition de Persichetti signifie-t-elle que le gouvernement a décidé de mettre fin à la doctrine Mitterrand ? Dans les faits, oui. Rome et Paris concluent en 2002 un accord au terme duquel les autorités judiciaires françaises pourront réexaminer toutes les demandes d'extradition formulées par l'Italie. Et dont celles qui concernent Battisti, par conséquent. Exactement. Et en février 2004, des policiers de la division antiterroriste viennent appréhender l'Italien. Retour en prison. Avant une mesure d'extradition. Toutefois, 3 semaines plus tard, Battisti est remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant que la cour d'appel prenne une décision. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Au même moment, en Italie, 3 militants d'extrême droite condamnés à la réclusion à perpétuité pour leur responsabilité dans le terrible attentat de la Piazza Fontana à Milan seront rejugés en appel. Ouais, c'était en 1969, un attentat qui avait provoqué de nombreux morts. Hein. 16. Ouais. Et il y avait eu des dizaines de blessés. Eh bien, à la surprise générale, ces 3 hommes sont acquittés. Mais sous quel motif, alors ? Les magistrats de la cour d'assises estiment qu'ils ne disposent pas de preuves suffisantes. Vrai ou faux ? Je ne sais pas. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer que la justice italienne n'a guère montré l'empressement à sévir contre les terroristes d'extrême droite qui ont pourtant perpétré des attentats très meurtriers, alors même qu'elle a puni avec la plus grande rigueur les activistes d'extrême gauche. Ouais, de poids, de mesure. C'est ce qui apparaît. Et c'est forcément un argument invoqué par les amis de Battisti et de tous ces anciens terroristes de gauche menacés d'être extradés. Pourtant, la justice italienne est réputée pour son indépendance. Hein. Elle le montre régulièrement en se frottant à Berlusconi. Et Berlusconi qui critique à tout propos la dictature des juges. Non, je ne crois pas que dans cette justice à 2 vitesses, il faille obligatoirement mettre en cause les magistrats italiens. Car il ne faut pas oublier que le terrorisme d'extrême droite a été d'une certaine manière un terrorisme d'État tant les criminels ont été protégés par des politiciens, des institutions comme le service secret ou certaines franges de l'armée. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas réussi à faire toute la lumière sur ces complicités. Une part d'ombre qui ne permet pas à la justice de sévir comme il le faudrait contre le terrorisme d'État. C'est ce que je pense. Alors, revenons à Cesare Battisti. En juin 2004, la chambre d'instruction de la cour d'appel se prononce enfin. Elle est favorable à l'extradition. Et le président français en personne, Jacques Chirac, approuve la décision des magistrats. À Rome, la justice italienne en profite pour réclamer l'extradition de 14 autres personnes. Ouais. Alors cette fois, c'en est bien fini de la doctrine Mitterrand. Absolument. Hein. Battisti et ses défenseurs tirent une dernière cartouche. Ils déposent un pourvoi en cassation. Avec des chances de l'emporter ? Toute petite. Et Battisti ne s'y trompe guère. En plein été 2004, il se soustrait à son contrôle judiciaire et passe dans la clandestinité. Et bien qu'il ait déclaré qu'il ne quitterait jamais la France, son pays, comme il l'écrit, il a déjà préparé sa fuite pour l'étranger. Ouais, ça sera le Brésil. Hein. Comme on l'apprendra 3 ans plus tard, lorsqu'il y sera découvert et arrêté. Et de son point de vue, il a eu raison de quitter la France, car en octobre 2004, son pourvoi en cassation est rejeté. Sait-on comment il a pu s'enfuir alors qu'il était recherché par la police française ? Il a presque certainement bénéficié de faux papiers pour passer la frontière. Et comme je vois où vous voulez en venir, je ne vais pas éviter le sujet. On a évoqué une éventuelle intervention des services secrets français. Oui, qui lui aurait fourni un faux passeport. Et aurait organisé sa fuite. Mais vous dites, on a évoqué une intervention des services secrets, mais plus précisément qui ? D'abord Battisti, lui-même. Dans une interview donnée en janvier 2009 à un magazine brésilien, le fugitif a déclaré que c'était un membre des services secrets français qui avait émis l'idée de sa fuite au Brésil. Mais il n'a pas dit pour autant que ses services avaient organisé sa fuite. Je vous l'accorde. Ensuite, assez récemment, un journal italien créé par l'ancien directeur du quotidien communiste L'Unità a émis cette hypothèse. Une version reprise ensuite par l'écrivain italien Antonio Tabucchi. un intellectuel connu et très engagé à gauche. Mmh. Qu'a-t-il dit exactement ? Il s'est dit persuadé que Battisti collaborait avec les services secrets français. Il pourrait alors m'expliquer en quoi l'Italien pouvait être utile à ses services. Antonio Tabucchi émet l'hypothèse que Battisti aurait vendu en contrepartie tout ce qu'il savait sur le terrorisme international. Oui, mais dans les années 2000, Battisti était un retraité du terrorisme. Alors, qu'aurait-il pu apporter comme information nouvelle au service ? À moins qu'il n'ait continué à être en contact avec des terroristes actifs. Ça me semble improbable. Je suis comme vous, j'ai tendance à ne pas croire à cette histoire. Mais le doute demeure. Et voyez-vous, un détail me semble quand même troublant. Battisti était très surveillé. Il a donc réussi à échapper aux policiers qui ne le quittaient jamais de l'œil. Ouais, mais il avait l'expérience de la clandestinité. Sans doute, mais ça permet toutefois de s'interroger. Plus sérieusement, revenons au Brésil avec Battisti. Malgré le statut de réfugié politique que lui a accordé le ministre de la Justice, il est donc emprisonné en Brésilien. Et les Italiens réclament d'accord et à cri son extradition. Hein. Ah, mais au Brésil, la question fait débat. Et finalement, c'est le président Lula qui va faire pencher le plateau de la balance. Le 31 décembre 2010, au dernier jour de son mandat, il annonce son refus d'extrader Battisti. Après cela, il était difficile à la Cour suprême d'aller contre ce vœu présidentiel. Mais vous l'avez constaté avant l'été, cette décision brésilienne a provoqué une véritable tempête d'indignation en Italie. À droite comme à gauche. Hein. Et la même unanimité avait été réalisée contre tous les intellectuels français, membres du comité de soutien de Battisti, accusés de ne voir en lui qu'un écrivain de talent. Il n'est pas un criminel. Pour la grande majorité des Italiens, Battisti est un assassin qui a bénéficié d'un procès juste. Alors que l'ancien terroriste n'a cessé de crier son innocence. Jamais d'une façon très claire. Certes, il a toujours nié avoir tué, mais il n'a jamais renié ses anciens engagements. Et pourquoi alors ? Parce qu'il a le sentiment de sa responsabilité politique et historique et qu'il ne veut pas se désolidariser de ses anciens camarades. Et il admet donc avoir été un terroriste. Il s'en est jamais caché. Et il reconnaît qu'il a participé, arme au poing, à des actes illégaux. Oui, mais il n'aurait jamais tiré pour tuer. C'est ce qu'il a toujours prétendu. Mieux, selon celle qui lui a toujours apporté un soutien actif et public, l'auteur du roman policier Fred Vargas, il aurait même pris ses distances avec les PAC après le premier assassinat. Alors, mais pourquoi ces camarades des PAC, là, auraient-ils organisé son évasion de la prison où il était enfermé s'il avait rompu avec le groupe ? Je vous accorde que c'est un point embarrassant pour la défense de Battisti. Et puis, si lui n'a pas tué, qui, selon lui, aurait exécuté les homicides pour lesquels il a été condamné ? Sans le dire explicitement, il montre du doigt l'homme qui l'a dénoncé, le repenti Pietro Muti, qui aurait été le véritable chef des PAC. Muti qui, lui, n'a fait que 9 années de prison. Des livres, pour terminer, à tout seigneur, tout honneur, d'abord l'ouvrage de Cesare Battisti, Machiavel, puis 2 livres, l'un à charge, La génération Battisti de Guillaume Perrault, l'autre à décharge, La vérité sur Cesare Battisti de Fred Vargas. Et enfin, un ouvrage de fond, L'Italie des années de plomb, dirigé par Marc Lazare et Marianne Matar-Bonucci. À samedi prochain, Rebecca de Nantes et Pierre Firsion ont préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Djoub.